Thank you. trop fort, moi. Thank you. MGB. Thank you. c'est crack. Elle parle comme l'eau des fontaines, comme les matins sur la montagne. Elle a les yeux presque aussi clairs que les murs blancs du fond de l'Espagne. Elle parle comme l'eau des fontaines, comme les matins sur la montagne. Elle a les yeux presque aussi clairs que les murs blancs du fond de l'Espagne. Une nuit de mes rêves. Non, c'est une chanson de Cabrel. J'ai piqué. Comme les matins sur la montagne, elle a les yeux presque aussi clairs que les murs blancs du fond de l'Espagne. Le bleu nuit de ses rêves m'attire, même si elle connaît les mots qui déchirent. J'ai promis de ne jamais mentir. Au fond de ces jeux de miroir, le soir, elle pose souvent sur mon visage. Alors j'y connais tous mes vieux souvenirs, depuis qu'elle a mon cœur en point de mire. Et je garde mes nouvelles images. Même si elle connaît les mots qui déchire. J'ai promis de ne jamais mentir à la fille qui m'accompagne. Au fond de ses yeux, au fond de ses yeux noirs, elle emprisonne mon âge. Et même quand je sors le soir, j'ai brûlé tous mes vieux souvenirs. Depuis qu'elle a mon cœur, moins mien. Et je garde mes nouvelles images pour cette fille avec qui je voyage. Ce jouet les mots des enfants modèles. Elle se tiendra toujours dans un hôtel en géant. Elle prendra jamais mon cœur pour un hôtel. Je tirerai mon cœur à 10 ans. Voici les yeux auxquels je pense. Et l'autre moitié de mes secrets. Qui s'avance lorsque j'attends, c'est si propage à voix basse. malade. On la croit tomber du ciel. Jamais. Game over. Thank you. Thank you. pouvais encore se comprendre. Mon enfance a pâli déjà. Ce sont des gestes d'autrefois. Sur des films et sur des photos. Tu es parti tellement trop tôt. Vie entre les mains, à ne plus savoir comment faire pour avancer vers la lumière. Il me reste au long des jours en souvenir de ton amour. Tes fleurs s'épanouissent au silence. Je t'ai offert tout mon...